Vous êtes toujours sur Radio 5 degrés et on revient sur ce putsch militaire qui est en cours à l'Elysée. Selon nos dernières informations, trois raisons expliqueraient ce soulèvement de l'armée. Le leader du mouvement, Pierre de Villiers, voudrait maintenir sa fonction de chef de l'état-major à la veille de l'élection présidentielle. Il est soutenu par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, un comble pour la gauche. D'autre part, la défaillance des équipements de combat fournis aux soldats irrite. Seulement un hélicoptère sur six est en état de voler, malgré les augmentations de budget et des effectifs au sein de la Grande Muette ces dernières années. Et enfin, il y a eu cette allocution de François Hollande en déplacement à l'étranger. On l'écoute. Be you, be proud of you, because you can be do what we want to do. Un anglais très approximatif qui aurait été mal interprété par Pierre de Villiers. Il y aurait eu une attaque personnelle. Notre envoyé spécial Arthur Merle est sur place. Que se passe-t-il, Arthur ? Alors Nicolas, je suis devant l'Elysée, une arme sur la tempe, donc j'ai très peu de temps pour vous parler en fait. On en sait peu pour le moment sur les intentions politiques de Pierre de Villiers et Jean-Yves Le Drian. Ce qui est sûr, c'est qu'une loi martiale va être instaurée, l'armée va avoir le pouvoir donc. Nous n'aurons plus le droit de nous rassembler, de manifester, et nous pourrons être enfermés sans fondement judiciaire. Moi le premier, hein, comme vient de me l'indiquer le très sympathique militaire qui me tient toujours en joue. Une loi martiale au sens propre du terme aussi. On m'annonce que tous les martials du pays vont être emprisonnés. La conséquence d'une rancœur profonde du général Pierre de Villiers qui n'aurait toujours pas digéré, si j'en crois mes sources, une défaite à la bataille navale face à un certain Martial en classe de 6e. Les réactions de la classe politique sont déjà nombreuses en tout cas. Emmanuel Macron s'est rallié au mouvement et a déclaré tout son amour pour l'armée et le corps d'élite. Emmanuel Valls en est de son côté venu aux mains. Pas de nouvelles par contre de notre président François Hollande. Un scooter a cependant été aperçu sortant de l'Elysée. À son bord, un homme de petite taille et d'une certaine corpulence. L'homme avait l'air de bien manger à la cantine, m'a indiqué un témoin sur place. À droite, Marine Le Pen organise la résistance, déçue de s'être fait chipper son argument de campagne sur l'identité nationale. Elle aurait d'ores et déjà réuni des milliers de migrants en provenance de Calais. Enfin au centre, François Bayrou aurait fait un burn-out, étant donné qu'il est obligé, pour la première fois, de choisir entre deux camps. Voilà Nicolas, je vous laisse parce que ça devient vraiment vraiment chaud sur place pour moi. Je vous rends l'antenne. Merci Arthur. Pour ma part, je rends aussi l'antenne et c'est l'amiral Philippe Coindreau qui me remplace à partir de cet après-midi. Je vous laisse patienter avec la Marseillaise. Allons enfants.